Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 1er mars, il est 14h01, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission désormais quotidienne proposée par Radio Gémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Jimmy de l'orchestre de variété française et internationale Frisson. Bonjour Jimmy. Bonjour Christophe, pardon, et bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, cool. Ouais. Donc, tout d'abord, je pose toujours cette même question à mes invités afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent déjà te connaître un petit peu. Peux-tu te présenter rapidement et présenter rapidement l'orchestre symphonique Frisson ? Symphonique, pas trop, variété plutôt. D'accord. Variété internationale. Alors, moi, je m'appelle Jimmy Massico, j'habite Vanier. Je suis mandataire de l'orchestre de variété Frisson qui a été fondé en 2007. Et donc, nous faisons tous les bals de la région. On travaille dans le Grand Est, la région parisienne, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, un peu partout, quoi. D'accord. Pourquoi ce nom de Frisson? C'est une vieille histoire. Frisson veut dire la libération du son. Et à l'époque, quand j'étais dans un certain orchestre, à la batterie comptait pas trop, quoi, en fait, on l'entendait pas, tout. Et quand je suis parti de cet orchestre, j'ai été libéré de ce son, d'où le nom Frisson. D'accord. Donc, il y a aussi une volonté, un certain jeu de mots, le Frisson et Frisson, donc, comme le nom de l'orchestre, donc, F-R-E-E-S-O-N. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté de ce jeu de mots Frisson, le Frisson La chair de poule. Voilà. Peut-être la donner. À certains moments, oui. De toute manière, chaque artiste peut donner la chair de poule aux gens qui l'écoutent. D'accord. Mais non, on a cherché. Enfin, j'ai cherché. Il y avait pas mal de noms qui sonnaient. Puis, j'ai proposé un peu celui-ci aux musiciens, à mon entourage, qui m'a dit, Frisson, c'est pas mal. Donc, nous sommes partis sur le nom de Frisson. D'accord. Donc, tu l'as dit il y a quelques minutes, l'orchestre Frisson existe donc depuis 2007. Oui. Pourquoi avoir créé cet orchestre ? Le but d'être libre un peu. D'accord. De faire ce qu'on avait envie de faire, quoi. Bon, la variété, ça reste de la variété, mais on travaillait avec des machines derrière. Quand je dis des machines, c'est que y a des séquences, il y a des boîtes à rythme, tout ça. Moi, ça nous intéressait pas, quoi. D'accord. Nous, on joue en live. Alors, en live, on part notre formation de trois musiciens. Donc, pour tout ce qui est partie, guinguette, et à trois musiciens. Tu sais, il y a beaucoup d'orchestres, même à deux ou à trois, qui mettent des séquences, qui mettent des boîtes. Nous, on joue tout en live. D'accord. C'est ce que les gens apprécient d'ailleurs, qui nous disent, ouais, mais tel orchestre, c'est l'orchestre, mettre des boîtes à rythme, on en a marre, machin. Donc nous, à trois, on joue en live. D'accord, c'était vraiment une volonté de ta part et de la part de Frisson de tout faire en live. Tout à fait, tout est en live. D'accord. Donc, il y a la formule à trois fois, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. On a la formule à six musiciens, donc variété internationale. Enfin, quand je dis six musiciens, il y a chanteur, chanteuse. Et on a une formule un peu plus importante avec les cuivres, les danseuses. Donc, ça peut monter de 9 à 12, 13 musiciens, selon le budget que les associations ont. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que dans Frisson, vous êtes toutes et tous multi-instrumentistes ? Alors, on a multi-instrumentistes. Il y a le clavier qui fait de l'accordéon. D'accord. On a le guitariste choriste. On a le bassiste qui chante aussi, qui fait également les chœurs. Il y a la chanteuse, le chanteur et moi à la batterie au chant. D'accord. Donc justement, en préparant mes questions, je suis allé faire un tour sur le site internet donc de Frisson. Oui. Et donc dans cet orchestre, vous êtes 8, c'est ça ? Il y a toi, donc Jimmy, à la batterie, au chant et à l'animation. Oui. Il y a Stéphanie, au chant et à l'animation. Oui. Il y a Jean-Baptiste, au chant. Il y a Bertrand, au clavier et à l'accordéon. Tout à fait. Il y a Thierry, à la guitare et au chant. Il y a Olivier, à la basse et au chant également. Et vous avez également deux danseuses, Cindy et Laura. Oui. Ainsi qu'un technicien pro de la lumière, c'est tout bon ? Oui. D'accord. Donc, alors, oui. Ça, c'est la formule. Bon, c'est la formule un peu. Nous, notre formule, c'est de 6 au départ. Si d'accord. Les gens nous disent, ouais, nous, il nous faut les danseuses, il nous faut la technique lumière. Donc là, on se retrouve à 9. D'accord. On se retrouve à 9. Et après, s'ils nous disent, ben, on veut des cuivres, sax, trompette, trombone, bon, ben, on s'adapte, on prend des cuivres, quoi, voilà. D'accord. Donc, comment s'est passée cette formation de cet orchestre ? Qui a eu l'idée de créer Frisson ? C'est moi. D'accord. Et comment tu as contacté les autres membres ? Eh ben, quand je suis parti de l'orchestre d'avant, voilà, j'ai dit, il faut que je monte. En fait, on était partis tous. Tous les musiciens, on avait laissé la seule personne qui était responsable de l'orchestre, on en avait marre, quoi, on va dire le mot comme il est. D'accord. Et on est tous partis de l'orchestre. Donc, pour nous, c'était le bonheur, notre répertoire était monté, il a fallu retrouver un clavier. Mais le clavier, l'accordoniste qu'on avait avant avec nous faisait du clavier, donc on n'a eu aucun problème. D'accord. On est reparti, le répertoire était monté. Après, chacun a voulu faire son bout de chemin. Le guitariste qu'on avait, qui était multi-instrumentiste, lui, Bernard, il m'avait dit, Jimmy, je resterai avec toi, pas de souci. Quand tu trouveras un guitariste, je partirai parce qu'il voulait prendre sa retraite. Mm-hmm. Donc il est parti. Après, le clavier qui faisait de l'accordéon, nous on avait énormément travaillé avec Frisson. Lui, il avait un job à côté, donc ça, il m'a dit, écoute, je vais arrêter. Bon, la chanteuse, elle avait un métier à l'époque aussi, elle faisait ses études d'infirmière, elle était infirmière. Elle m'a dit, moi je pourrais plus continuer. Puis voilà, puis la vie fait que, je connaissais un guitariste, il est venu, Bertrand au clavier et à l'accordéon a remplacé la personne qu'on avait avant, le bassiste pareil, et puis ça va très très bien comme ça, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que tout ce que vous faites avec Frisson, malheureusement avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Mais avant, est-ce que ça te permettait, toi et les autres membres, d'en vivre ? Ah moi je suis intermittent du spectacle depuis 1994. D'accord. Avant, je faisais la musique et j'avais un job, comme pas mal de musiciens à côté. Mmh. Et en 94, je me suis dit, je peux pas faire les deux, quoi, c'est pas possible. Et puis, on aime la musique. Et puis, donc, je me suis mis intermittent en 94. D'accord, pour pouvoir vivre de ta passion. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il a fallu racheter du matériel, tout, mais ça, c'est la vie. Hein. On est obligé, on va pas venir avec les mains dans la poche, quoi. C'est sûr. Donc, je te propose à 14h09 de nous lancer tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à les appeler, dans un premier son, oui, interprété donc par un Frisson, et que nous écoutons une reprise du célèbre titre de Joe Dassin, donc la chanson À toi. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Super, oui, ça fait partie de notre album, d'ailleurs, qu'on vient de sortir, il y a 2 ans maintenant qu'il est sorti. Justement, si je peux rajouter que beaucoup de gens nous disaient, ça serait bien que vous fassiez un disque, machin, avec toutes les reprises, des années 70, des années 60, d'où le titre de notre album, un peu de nostalgie avec Frisson. D'accord, voilà. Donc, on s'écoute À toi, la reprise de Joe Dassin, et on se retrouve juste après. Façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. J'ai passé à te chercher aux qualités dont tu te attaché à mes idées de baladin. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct, donc sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h13. Vous venez d'écouter À toi de l'orchestre Frisson, reprise de Joe Dassin, et donc de ce titre datant de 1976 et tiré de l'album Le Jardin du Luxembourg. Vous nous écoutez peut-être chez vous, sur votre lieu de vacances, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie de Jimmy, de l'orchestre Frisson, qui est venu nous parler donc de cet orchestre, et de son histoire. Ça va toujours ? Impeccable. Donc, le répertoire de Frisson est très varié. Oui, tout à fait. Avec ton groupe, vous interprétez un répertoire allant du musette aux airs d'après-guerre, en passant par le zouk ou encore le rock. Oui. Donc, pourquoi avoir pris la décision d'interpréter des titres issus de différents répertoires plutôt différents les uns des autres. Eh ben ouais, mais nous, la variété, enfin comme tous les orchestres de variété, on est là pour faire danser les gens. Bon, on fait pas du groupe, on fait de la reprise, mais je veux dire, c'est pas comme un groupe qui compose ou qui est sur un style de musique rock blues. Ou bon, nous on fait de la variété, voilà, pour que les gens s'éclatent et qu'ils s'amusent, qu'ils dansent, qu'ils fassent la fête, quoi. Donc voilà le but de l'orchestre, enfin des orchestres en principe. D'accord. Et vous chantez avec, tu chantes avec Frisson des répertoires de toutes les époques. Oui, bien sûr. Bon, c'est sûr que le samedi on fait plus de variété. D'accord. Bon, on fait pas beaucoup. On fait du musette, mais les gens dansent plus la variété. Le musette, même les gens de 50 ans, hein, le samedi soir ou de 60 ans, à la limite, l'accordéon, ils s'en foutent un peu. C'est plus les années 80, les années disco. Bon, s'ils veulent de l'accordéon, c'est sûr que c'est le dimanche, qu'il faut aller dans l'été dansant le dimanche dans les dancing. Et puis, voilà, ils entendent du biniou Voilà, puis ça marche comme ça, donc il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Donc, est-ce que avec Frisson, vous avez un répertoire que vous préférez jouer ou pas du tout ? On aime rien jouer. Non, je plaisante. Non, on aime tout ce qu'on fait, quoi. Bon, c'est sûr, on choisit des morceaux, on voit les morceaux à la radio qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui sort, enfin, en ce moment. Ben, ouais. C'est avec la crise, c'est pas plus mal, mais. On se base par rapport un peu à la radio, les tubes qui marchent bien. Mais faut dire que les gens reviennent beaucoup. Enfin, ça fait déjà une paire d'années, que ça soit aussi bien les jeunes de 15 ans ou les gens de 60 ans, reviennent aux années 80, quoi. Années 80, les jeunes de 14 ans, ils connaissent les morceaux des années 80. Enfin, j'ai 14 ans, même 13 ans. C'est vrai. Ils connaissent les morceaux des années 80. Bon, les morceaux actuels, qu'est-ce qu'il y a à danser en morceaux actuels? Pas terrible, il y a pas grand chose qu'en fait. Ça dépend de, c'est vrai. Donc, quand le groupe Frisson est invité pour animer des événements ou encore des balles, oui. As-tu du coup avec ton groupe un genre de plan En d'autres termes, est-ce que tu te réunis avec les autres membres pour dire au début de la soirée, on fait les années 80, ensuite le jazz, puis le rock, etc. Et si oui, suivez-vous toujours ce même schéma, entre guillemets? Non, alors, nous, on a bien sûr un répertoire. Bien sûr. Numéroté. Il arrive qu'on dit, bon, bah, la série 3, on ne la fait pas, on va faire la série 5. On a interverti un peu les séries. Mais non, et puis on s'adapte aux gens. Si dans la soirée les gens nous disent, bah c'est vrai que c'est la mode en ce moment entre les nouvelles danses, la Madison, la cumbia, enfin des trucs comme ça. Même le samedi, ils le dansent. Donc si nous disent, vous pouvez nous faire une série de cumbia qu'on fait en principe pas le samedi plus le dimanche, eh ben on l'a fait le samedi. Il y a pas de souci. On n'est pas comme certains aussi, les orchestres. Eux, bon, leur programme c'est leur programme et basta. D'accord. Ah, et les orchestres, ben voilà, de A à Z, ils font leur répertoire, et si quelqu'un leur demande un truc, ben non, on peut pas, nous, c'est programmé comme ça. Ou, justement, les orchestres qui tournent avec des séquences, hein, ils peuvent pas changer, tout est programmé dans leur bécane, enfin, dans leurs ordi, ou dans leur clavier, et puis ils envoient, ils peuvent pas changer, quoi. Non, c'est pas le cas. Nous, si quelqu'un nous demande, ben, vous pouvez nous faire ça, ben, on le fait, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, quand tu dis série 3, série 5, etc., qu'est-ce que ce sont ces séries? C'est quoi les séries? Eh ben, les séries, c'est-à-dire que ben, tout notre répertoire, en fait. D'accord. Alors, notre répertoire, on travaille par série, ben, de 4, de 5, tout dépend des styles. Voilà. Donc, si on dit, on laisse tomber la série 5, ou... Dans la série 5, mettons, on dit s'il y a 4 ou 5 morceaux, on dit on fait le morceau numéro 3, on fait pas les autres. Voilà, c'est selon l'ambiance, selon... Voilà, on s'adapte au public, en fait. D'accord. Ouais. Oui, donc ces séries, elles sont... Vous les décidez vraiment à l'avance? Ah ben, le répertoire, il est fait... Moi, j'envoie le répertoire... bon, le répertoire, il peut rester peut-être comme ça 4-5 mois, mais quand on a les nouveautés, des nouveaux morceaux, boum, on décale ou on refait une série de nouveaux morceaux ou on remélange les anciens avec des nouveaux, voilà. Donc, moi, je programme tout ça et j'envoie tout quelques jours avant aux musiciens pour qu'ils puissent, ben, au niveau de leur partition, au niveau des programmations, qu'ils préparent tout pour que dès qu'ils arrivent le samedi ou sur le lieu ou de la soirée ou de l'après-midi, ben, que tout soit prêt, quoi. D'accord. Comme un vrai chef. D'accord. Donc, comme tu le dis, vous faites tout en sorte pour, ben, pour satisfaire le public, ce qui est normal. Mais donc, si les spectateurs vous le demandent, est-ce que ça vous arrive, avec Frisson, donc, de faire des chansons moins sérieuses, mais tout de même cultes, comme La Chenille ou encore À la queue leu-leu? Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est pas le plus dur, ça. T'adore. D'accord. Non, il n'y a pas de problème, ça. Vous arrive-t-il, ben, bien sûr, pour nos auditeurs, quand je dis vous, je parle du groupe en général, car toi et moi, on se connaît déjà un petit peu à l'extérieur. Oui. Donc, vous arrive-t-il de jouer des sons à la demande des spectateurs, mais des sons que vous n'appréciez pas forcément? Quel style de son, alors? Ou de morceaux, plutôt? Oui, des morceaux, par exemple, on te demande, je sais pas, joue du Elvis Presley, par exemple, mais si vous n'aimez pas Elvis Presley, est-ce que vous le faites quand même ou pas? Mais non, on est là pour faire plaisir aux clients. D'accord. On est là pour faire plaisir aux clients, si nous demande un morceau, ben, on le fait, c'est dans notre capacité. Bon, je veux dire, dans la soirée, il est peut-être pas dans notre répertoire, mais bon, si c'est, tu parles d'Elvis Presley, si c'est des trucs, enfin, des styles un peu rock, bon, ben, je dirais, pas sans accord, y a pas de problème, on l'envoie, hein. D'accord. On l'envoie. Bon, on doit pas dire, un musicien ne doit pas dire, si, un musicien peut dire, oui, j'aime pas. Même moi, hein, je regarde quelquefois des concerts, bon, des groupes que je connais pas. Bon, je dis, voilà, je n'aime pas. D'accord. Je dis jamais c'est mauvais ou non. Tous les musiciens sont bons. Je dis je n'aime pas. Bon, on a le droit de pas aimer, quoi. Bien sûr. Et donc, ben, si un client nous dit vous pouvez nous mettre ça, on est là pour faire plaisir. On le met, il y a pas de souci. Il y a aucun problème. D'accord. Ok. Donc, malheureusement, comme on l'a dit un peu plus tôt, depuis plus d'un an, je suppose que c'est un petit peu compliqué pour Frisson de se produire sur scène. Ben, pour Frisson, oui, pour tous les intermittents. Oui. C'est un peu. D'ailleurs, j'en profite. Bon, c'est sûr que votre radio n'arrive pas sur Paris, tout. Mais j'aimerais quand même dire à Madame la Ministre, qu'elle se bouge un peu, qu'elle puisse au moins nous redonner, à partir du 31 août, une année blanche, quoi. Parce que même que la musique reparte en juin ou juillet, faut savoir qu'un intermittent pour avoir ses droits, faut qu'il fasse 507 heures. D'accord. 507 heures, ça veut dire 43 cachets. OK. Dans l'année. D'accord. Voilà, pour l'instant, on les a pas. Hein. Moi, je vous cache pas, depuis le mois de mars, qu'il y a eu le confinement, on a tourné qu'une fois le 1er août, c'est tout. D'accord. Donc, ce qui veut dire que il me faut 42 cachets pour avoir encore droit à mes droits, au droit d'intermittent. Donc, ce qui veut dire, si elle dit, ouais, au bon mois de juin, tout peut repartir, machin, alors ça veut dire que jusqu'au 31 août, ça veut dire juin, juillet, août, en 3 mois, il nous faudra, enfin, il faudra 42 cachets ou 43 cachets. C'est impossible. D'accord. Impossible, ah oui. 43 cachets. 3 mois, ça fait tourner deux fois, une fois tous les 2 jours. C'est impossible. Donc, il y a une pétition en ce moment qui est sortie pour tous les musiciens. Signez-la, qu'on puisse avoir une année blanche encore après le 31 août. D'accord. Voilà. Cela dit, nous, on ne capte pas à Paris, mais on peut nous écouter de partout en France grâce à Internet. On a des liens pour nous, ou même depuis nos applications Orange Radio et Radio Line, on peut nous écouter même à Paris, pardon, même à Paris ou encore à Marseille. Ah ben super. Alors voilà. Ben si elle m'entend, faites quelque chose, Madame la Ministre. Mais avant cette crise mondiale de Covid-19 que l'on connaît toutes et tous, étiez-vous beaucoup sollicité par des gens, des organismes pour jouer? Oui. Ah ben bien sûr. Bien sûr, nous, on tourne en moyenne 80 dates dans l'année. Entre 70 et 80 dates. D'accord. Là, pendant le confinement, on a eu, sans compter cette année les dates, mais je parle du mois de mars qui a eu le confinement, enfin, qu'on n'avait plus le droit de s'exprimer dans les lieux publics en tant que musicien, on a eu 80 dates de sauter, quoi. Ah oui. Ah oui, 80 dates, là. Plus ce qui arrive là, janvier, février, mars, on en a déjà 20 de sautés, quoi. Plus de 20 de sautés, donc voilà, ça peut pas durer, c'est impossible. C'est vrai. Alors c'est vrai que tous les intermittents, si elles continuent à faire ça, si elles repoussent pas, je pense que tous les intermittents iront toucher le RSA, quoi. Ouais. C'est tout, hein, c'est tout. Et puis ce qui arrivera, c'est que après. Parce que bon, chacun fait sa popote, les musiciens, bon. Mais après, tout le monde travaillera au noir. Eh oui, donc c'est pas forcément évident. Quoi. Donc tout le monde travaillera au noir, et puis après, ça va être l'anarchie avec tous les prix d'orchestre, enfin, tous ces trucs-là, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est pas évident. Donc quand vous pouviez encore jouer, est-ce que c'était toi avec Frisson qui allait démarcher les organismes, ou est-ce que c'était les organismes ou les organisateurs de balles ou autres qui venaient vous chercher? Bien sûr, moi, c'est moi. Les musiciens, ils suivent derrière, mais bon, s'ils ont des contacts, ils me les donnent. C'est moi qui suis le mandataire de l'orchestre, donc c'est moi qui m'occupe de ça. Mais comme dans toute entreprise. Faut déjà aussi démarcher, avoir de la nouvelle clientèle. Bien sûr. Les habitués, nous rappellent. Mm-hmm. Bon, donc la démarche plus les gens qui nous appellent, on arrive à boucler, à avoir pas mal de travail. C'est comme dans tous les orchestres, hein, et puis dans tout le travail, ça tombe pas comme ça. Il faut vous bouger, et puis si on veut aller ailleurs dans une autre région, il faut démarcher, il faut envoyer pas mal de coups de fil, et puis c'est pas dit que ça marche. Il y a énormément d'orchestres, donc il y a de la personne qui joue tout seul, il y a un peu de tout, donc il y a énormément de monde sur le marché, donc faut éviter de se taper dessus, mais c'est pas trop le cas, puisque y en a qui font n'importe quoi, donc on démarche beaucoup, moi je démarche beaucoup. D'accord. Donc avant de poursuivre à 14h presque 26, je te propose que nous nous lancions tout de suite dans une deuxième fréquence, dans un deuxième morceau, toujours tiré de l'album, donc un peu de nostalgie avec Frisson, et que nous écoutions une reprise d'Alain Barrière avec son tube de 1964, avec son titre du coup Ma vie. Tout à fait. Et du coup, on se retrouve juste après. Thank you. fout le camp. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais. L'amour. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h30, j'espère que vous profitez bien de cette journée ensoleillée, profitez-en, ça devrait durer toute la semaine normalement. Vous venez d'écouter Ma Vie de l'orchestre Frisson, donc reprise d'Alain Barrière. Nous sommes toujours en compagnie de Jimmy de l'orchestre Frisson qui est venu nous parler donc de cet orchestre et de son histoire. Ça va toujours ? Ouais, super. Du coup, comment choisissez-vous Frisson et toi, les titres que vous allez reprendre dans votre playlist, est-ce que vous vous concertez ou est-ce que l'un de vous a une idée et la propose aux autres membres ? Le seul qui a des idées, c'est moi. D'accord. voilà, on dit ok, on peut faire ça. Si j'ai soit un morceau qui est bien, qui balance bien, bon, je l'envoie, je dis on le fait, ok, bon ben, et puis on répète, et puis on répète avant le bal en principe. On répète toujours avant le bal, on vient de bonne heure et on fait les répètes avant la soirée. Et ben voilà, et puis on envoie. Et puis s'il y en a un autre qui me dit, bah tiens, écoute voir ça, c'est pas mal, bon ben j'écoute, si c'est faisable, surtout si c'est dansant. C'est pas le fait d'être faisable. Enfin, faisable, oui, à 6, comme on joue en live, bon, s'il y a 35 000 cuivres, le clavier, il peut pas tout faire, quoi. On prend pas les cuivres à 6, donc déjà, c'est réglé. Voilà, où on essaye d'adapter le morceau, on n'est pas obligé non plus de le faire vraiment comme sur le disque. Et puis on essaie de l'adapter. Donc, oui, on va dire que tout le monde peut dire, voilà, le morceau est bien, on pourrait le faire, celui-là, voilà, on s'arrange comme ça. D'accord. Donc malgré la crise sanitaire actuelle, est-ce qu'il t'arrive de te réunir avec les autres membres de Frisson pour quand même répéter un petit peu ou pas ? Ben non, parce que le problème, bon, notre chanteur habite Paris. Ah oui, d'accord. Bon, c'est vrai que les autres musiciens, bon, ils habitent Nancy, c'est pas loin. La chanteuse habite à côté, enfin, sur Pont-à-Mousson. Mais non, là, pour l'instant, on répète pas. C'est sûr que le jour que ça va reprendre, ben, on sera obligé quand même de faire une répète, quoi. Hein. Mais chacun répète chez eux, hein. C'est comme quand on bosse un morceau, moi je sors ma batterie, je répète mon morceau, le guitariste, bah lui, c'est pareil, tous les jours, il gratte sur la guitare, donc on bosse chacun le morceau à la maison, puis quand on arrive 3-4, on répète le morceau, et puis voilà, on l'envoie comme ça, quoi. Mais pour la répétition générale, bah, quand ça va être la reprise, on va être obligé de répéter, quoi. D'accord. Donc justement, là je vais passer donc durant l'émission deux morceaux tirés, oui, du coup de ton album, de votre album Un peu de nostalgie avec Frisson. Oui. Et sur cet album, est-ce que tu chantes sur tous les morceaux ou est-ce... Oui, c'est moi qui chante tout. C'est toi qui chante tout. D'accord. Donc vous répartissez les tâches ou t'es vraiment le chanteur principal du groupe? Non. Bah, quand on joue à trois, oui, c'est moi le chanteur principal. D'accord. Bon, non, quand on joue à six, on a le chanteur, on a la chanteuse. Bon, je chante pas mal. Moi, je chante. Le bassiste chante quelques morceaux. Le guitariste fait les chœurs. Donc, mais sur ce titre, c'est vrai que tous les participants de l'orchestre ont fait les chœurs. D'accord. Ah donc, mais c'était moi, puisque les gens, tous ceux qui me demandaient, ouais, pourquoi vous faites pas un album, machin, c'est beaucoup les gens du dimanche. D'accord. Donc en guinguette, ou dans les discothèques, ou quand on joue en discothèque, enfin dans les dancines, qui nous disent, ah, il est bien ce morceau-là, on l'entend plus, machin. Bon, et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire un album avec tous ces morceaux que les gens disent, qu'ils aiment bien, mais qu'ils n'entendent plus beaucoup, quoi. D'accord. Donc on a enregistré chez un ami qui a un studio à Nancy. Et puis on a envoyé tous ces albums-là qu'on a fait, quoi. D'accord. Donc justement, donc un peu de nostalgie avec Frisson, c'est oui, un de vos albums. Oui. Est-ce que vous en avez d'autres dans votre discographie ou pas des albums? Ou c'est celui-là le seul pour l'instant? Moi personnellement, j'en ai d'autres, mais bon, pas, c'était plus en groupe. D'accord. En groupe, parce que bon, j'ai joué aussi dans des groupes en étant plus jeune. Dans des groupes un peu rock. Donc oui, il y a eu un album de sortie avec un groupe de Nancy qui s'appelait Les Nuages, groupe Nuages. D'accord. J'ai eu l'occasion de faire un album en 79. Bon, là, c'était un style de rock blues. Sinon, voilà quoi. D'accord. J'ai accompagné quand même à l'époque, dans les années 82, Thierry Pastor. Ah oui. Thierry Pastor qui avait son tube, c'était à l'époque Coup de Folie. Bien sûr. Voilà. Et aussi Richard Anthony. D'accord. Une soirée, on jouait en variété avec Thierry Pastor aussi d'ailleurs, et nous on jouait, à l'époque j'étais dans un orchestre de variété qui tournait beaucoup sur le secteur d'Épinal, de Charmes. Alors on tournait tous les week-ends, un gros orchestre, c'était super bien, quoi. À l'époque c'était des balles montées, et c'est là la fête d'Épinal, donc comment il s'appelle, Thierry Pastor était là la soirée, en spectacle, et quand il nous a vus, parce qu'il faut savoir que Thierry Pastor, c'était déjà un musicien, un chanteur de bal, et quand il a vu l'orchestre, il a dit, oh là là, vous allez m'accompagner. On l'a accompagné, bon, il a chanté bien sûr son titre, Le Coup de Folie. D'accord. Et après, il a fait beaucoup de reprises de Stevie Wonder, des trucs comme ça, donc il s'est mis au piano, et on l'a accompagné, voilà, pendant une heure, c'était super bien d'ailleurs, ah oui. Un mec super cool, ouais. En plus, oui, Thierry Pastor et Richard Anthony, c'est vraiment des grands chanteurs que presque tout le monde connaît, donc... Oui, tout à fait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Frisson est souvent sollicité, oui, pour... Pour des balles ou quoi, mais est-ce que justement Frisson répond à toutes les demandes pour toutes sortes de manifestations culturelles ou y a-t-il des manifestations que vous ne faites pas ? Nous, on peut tout faire. Bon, il est vrai qu'il y a certaines soirées, les gens nous disent ben, pendant 2-3 heures, vous pouvez nous faire de la musique de jazz le temps qu'on mange, ou il n'y a pas de souci, hein, on a tout ce qu'il faut dans les réserves. Au niveau chant, surtout, chanteurs, chanteuses, bon, ben, ils ont une réserve derrière, même en jazz, donc oui, on peut, bon, c'est sûr, s'ils nous demandent du métal, oui. On ne va pas faire du métal pendant 3 heures. C'est vrai. Non. Ah, voilà, oui, non, on peut. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. L'orchestre Frisson a même été sollicité pour se produire lors d'événements pour la Ligue contre le cancer. Tout à fait. Était-ce important pour Frisson de jouer pour une telle cause ? Ben, on peut jouer surtout pour toutes les causes. On nous demande. Mais oui, bon, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est vrai. Ça fait plaisir. D'autant plus que le dernier qu'on a fait, c'était en Haute-Marne, si je me souviens bien, oui. J'avais dit que tous les CD qu'on vendrait dans l'après-midi, parce que c'est vrai que les albums, on les vend, ils sont pas en magasin, puisqu'on va pas, on les vend en haut bal, quoi. Dans nos soirées, voilà. Et j'avais dit à l'association, bah, écoutez, je vous reverserai la moitié de la somme qu'on aura eue sur tous les albums vendus. D'accord. Donc, on en avait vendu pas mal. Je dis pas qu'on en vend 100 à chaque fois, hein, je mentirais. On avait dû en vendre une cinquantaine et je leur ai reversé la moitié de la somme à la fin de la soirée, à la fin de l'après-midi, puisque c'est un repas d'ensemble. Je leur ai versé la moitié de la somme. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est bien pour aider la ligue. Ouais, et puis marquer le coup, quoi. Parce que ça faisait déjà une paire d'années qu'on jouait pour eux, donc pour les remercier un petit peu, quoi. D'accord. Donc justement, on en parlait en début de cette émission. Quelles sont les différentes formules que propose Frisson ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous avons la formule à trois éléments. Mm-hmm. Alors trois éléments, c'est plus pour les dimanches. Bon, on travaille aussi en semaine, des repas dansants en semaine. Mais bien sûr, quand je parle de la semaine, c'est les repas de midi, donc c'est beaucoup d'anciens. D'accord. Donc c'est notre formule à trois. On a donc la formule à 6 en variété. Bon, si les gens, même en semaine, s'ils veulent 6 musiciens, que ça soit en variété, bon, on joue à 6, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons la formation à 6, et puis la formation après qui va avec les danseuses, la grosse technique lumière en plus, enfin, le show, quoi. La formation à 9 éléments, c'est ça ? C'est ça. Parce que je cite sous les yeux, donc voilà, je triche un petit peu. Oui, c'est bien. Continue. Merci. Je te propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence et que nous écoutions une reprise d'un titre de Crazy Horse datant de 1973, cette fois. Ça, c'était des souvenirs aussi fous. Ouais. Titre, et surtout, ne m'oublie pas. Ouais. Est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Ah ouais, super. Bah écoute, quand c'est sorti ce morceau-là, j'avais 12 ans. D'accord. Et je pensais jamais. Bon, c'est vrai que la musique, enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il est bien ce morceau-là, 12 ans. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire ? Mais bon, c'est sûr que ça a été fait au bout de 40 ans. Au bout de 40 ans, quoi. D'accord. Ouais. Donc, parfait. Alors, on s'écoute ça et on se retrouve, du coup, juste après. Et surtout, ne m'oublie pas, par Frisson, reprise de Crazy Horse. Et surtout, ne m'oublie pas. Je serai loin de toi. Si je dois te quitter, il ne faut pas pleurer. Et surtout ne m'oublie pas. Tu sais que je reviendrai. Et surtout ne m'oublie pas. chantant. Parle-moi de ta vie, tout comme si j'étais là. On dit souvent que loin les yeux, on est aussi loin du cœur. Tu m'aimes comme je t'aime, il ne faut pas avoir peur. Et surtout ne m'oublie pas. Quand j'aurai le mal de toi, pendant ces longues nuits où je serai. N'oublie pas, tu sais que je reviendrai. Je t'en prie, attends-moi. Ne m'oublie pas. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques qu'il y a, parce que voilà, la technique des fois un petit peu compliquée, c'est les aléas du direct. Donc du coup, vous êtes toujours en direct sur le 107FM, il est 14h presque 44. Vous nous écoutez aussi sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter, et surtout ne m'oublie pas, de l'orchestre Frisson, reprise du groupe belge Crazy Horse. Nous sommes toujours en compagnie de Jimmy, de l'orchestre Frisson, qui est venu nous parler de cet orchestre et de son histoire. Ça va toujours ? Ouais, impeccable, au bout du café, c'est bien. Je trouve personnellement que ce titre était un petit peu plus calme que les deux précédents qu'on a écoutés. Je trouve qu'on pourrait l'écouter pendant une promenade autour d'un lac ou assis sur un banc dans un parc. C'est une bonne chose, je trouve. Ou en train de manger avec sa copine ou sa femme au resto, tranquille. Ouais, c'est calme, c'est romantique. Ou même couché, ouais. Oui. Bon. Bon. Maintenant, j'ai envie de te poser une question que j'ai un petit peu volée à Lia, ma collègue que je salue qui est en vacances cette semaine, mais je suis sûr qu'elle ne m'en voudra pas que je lui pique cette question. Donc, le petit Jimmy, voulait-il faire partie d'un groupe de musique ou à l'époque, ça ne l'intéressait pas forcément ? J'ai toujours aimé la musique. Ok. Donc, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. D'accord. J'ai fait 4 ans d'accordéon. D'accord. 2 ans de saxo. Mmh. Et après, je me suis mis à la batterie. D'accord. Et pour me mettre à la batterie, pour me faire un peu les poignets, à l'époque j'habitais en Meurthe-et-Moselle, il y avait une fanfare, enfin une harmonie dans ma ville, et j'étais à prendre le tambour un peu là-haut, pour d'accord. me faire les poignets, un peu tout. Et j'ai travaillé la batterie tout seul en fait, chez moi, dans ma cave, j'avais un vieux tourne-disque Thomson, je mettais le tourne-disque en route, et puis je répétais. D'accord. Et à l'âge de... Et mon père était musicien aussi dans le temps. Et il me disait, ouais, apprends le musette. Moi, j'apprenais plus le rock à l'époque. Apprends le musette. Ouais, je dis, le musette, c'est pas ce qui va me faire... Ça va me faire manger, mais en fait, si, puisqu'il y a énormément de balles musettes en semaine et les dimanches. Et donc, voilà. Et à 15 ans, mon rêve, c'était de rentrer. Il y avait un orchestre qui tournait beaucoup sur la région. Enfin, la région, c'était sur la Meurthe-et-Moselle, sur Pont-à-Mousson. Et c'est un orchestre, c'était les années, de toute manière, les années 75. Alors, les années 75, on jouait le samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Ça arrivait de jouer le lundi, et donc, ils jouaient énormément. Et mon rêve, c'était de rentrer dans cet orchestre, mais ils avaient un super batteur, une pointure, enfin, c'était un truc. Mais, vous voyez, pour commencer le bal à 21h, il arrivait à 20h pour monter le matériel. Mm-hmm. Donc, un peu toujours à la bourre. Le responsable en a eu marre. Et un jour, mes parents ont reçu un coup de fil en disant, tiens, on pourrait essayer, comme ils connaissaient mes parents, on pourrait essayer ton fils, tout. Et je suis rentré dans cet orchestre-là, quoi, pendant, 5 ans, 6 ans, je suis resté, dans ah ce oui? Orchestre. Ouais, ouais. Donc, j'ai commencé les bals, j'avais 14, 15 ans. D'accord. Oui, donc on peut vraiment dire que la musique, ça a toujours fait partie de ta vie. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Et donc, quand t'as commencé les balles, donc à l'âge de 15 ans, t'étais à la batterie, au ouais. chant? Non, juste à la batterie. Non, j'étais à la batterie, oui. Ok. J'étais à la batterie, puis c'était un des musiciens qui venait me chercher. D'accord. Mon père avait une camionnette, il nous prêtait la camionnette, et puis on partait jouer, quoi, voilà. Ah ouais, c'est bien, c'est une belle histoire. Ouais, c'était cool, ouais. J'ai envie d'apporter encore plus de positivité en lisant quelques messages issus de votre livre d'or sur le site internet. Oui. Donc, si tu m'y autorises, je peux le lire. Bien sûr. Okay. Donc, il y a quelqu'un, donc la présidente de la Ligue contre le cancer, oui, qui dit « Bonjour, je voulais, au nom de toute l'équipe de bénévoles de la Ligue contre le cancer de Bourbonne-les-Bains, vous remercier pour votre prestation lors de notre repas dansant du 12 octobre dernier à la salle des fêtes de la ville. En effet, nous n'avons eu que des compliments pour l'ambiance que vous avez transmise aux danseurs, tant par votre animation que par la diversité des danses proposées. Il y avait bien longtemps que nous n'avions vu autant que nous n'avions pas vu autant de danseurs sur la piste. Encore merci de la part de toute l'équipe. » Fin de citation. Donc, comme je le disais, c'est un message de la présidente de la Ligue contre le cancer. Oui. Et donc, comme je suis parti, je vais lire plutôt un deuxième commentaire. Ça fait plaisir. Donc, vous avez également sur le site, je cite, « Bonjour, je suis madame un tel. » On ne va pas citer son nom, on ne sait jamais. « Et c'est votre orchestre qui a animé notre mariage le 26 septembre. » Je tenais par ce mail à vous remercier pour cette soirée. Les musiques que l'on vous avait demandées ont vraiment été bien interprétées et ces moments resteront magiques et gravés dans nos mémoires. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à participer à cet événement si important pour nous. En tout cas, je n'hésiterai pas à vous recommander si occasion il y a, même si je pense que vous n'en avez pas besoin. Longue vie à votre orchestre et merci encore. Fin de citation. Et il y a encore de nombreux autres témoignages. Donc, qu'est-ce que ça te fait de recevoir autant de critiques positives? Ah, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Ouais. Bon, c'est vrai que tout le monde ne pense pas à laisser des messages, mais non, ça fait plaisir. Quoi, on est là aussi bon, pour faire amuser, comme je le disais tout à l'heure, pour faire amuser les gens, mais en fait, c'est notre job, il faut que ça soit bien, et que les gens repartent en disant « Ouais, c'était super. » Mm-hmm. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. C'est sûr. S'il y a 100 personnes, 200, 500, s'il y en a peut-être une dizaine qui, ouais, c'était trop fort ou machin, mais enfin, on s'adapte quand même au niveau du son, parce qu'on fait une super balance et on refait une balance. Alors, on fait une balance quand les gens sont pas là, mais dès l'instant qu'il y a du monde, le son n'est plus le même. Donc après, quand les gens sont là, le chanteur, bon, celui qui s'occupe de la sonorisation le samedi, va dans la salle, refait un petit... En fait, la balance, elle est faite, mais c'est mettre plus fort ou moins fort, voilà, quand le monde est là, quoi. D'accord. Donc, ça nous fait vraiment plaisir quand les gens nous laissent des messages sur notre site, quoi. Ouais. Donc justement, j'ai lu que deux commentaires parmi tous les autres. Est-ce que tu te souviens de ces événements en particulier ? Oh ben, je me souviens à peu près de tous les fouettes, de tous, ouais. Ouais, puis même dans les années 80, je me souviens encore de pas mal de trucs. J'ai plein d'anecdotes, mais enfin, comme tous les musiciens, des anecdotes, on en a tous, quoi. Bien sûr. Donc, allez, avant de conclure, il est 14h50, je te propose de nous lancer dans une quatrième et dernière fréquence, oui, et que nous écoutions votre reprise de la célèbre chanson de Serge Lama, datant de 1989, si je me suis bien renseigné, et tirée de l'album À la vie, à l'amour, chanson intitulée Femme, femme, femme. Donc, on s'écoute ça, et on se retrouve juste après pour la conclusion de l'émission. Mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot. Ce soir c'est la vie de château. Femme, femme, femme, fais-nous voir le ciel. Du soleil, femme, femme, femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, femme, femme, fais-nous voir l'amour. Femme, femme, femme, sous son meilleur jour. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Et l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sortez grand, je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée de chevaliers. Ce soir on est les héritiers. Femme, femme, femme, n'aie pas peur de nous. Femme, femme, femme, on n'est pas voyous. Femme, femme, femme, choisis ton endroit. famille. Femme, femme, femme, qui se paye un samedi. Femme, femme, femme, fais-nous une zéro. Tu prospères, y'a plein, y'a plein. Femme, femme, femme, fais-nous heureux du soir. Femme, femme, femme, champagne et caviar. Femme, femme, femme, ce soir c'est férié. On ne va pas regarder à la dépense. Femme, femme, femme, fais-nous confetti. Alcazar et tutti quanti. Femme, femme, femme, fais-nous une zéro. Tu prospères, y'a plein, y'a plein. Fais-nous Marano, Luna Park et Monte Carlo. Femme, femme, femme, fais-nous Jean Zizi au casino de Paris. Quand tu danses, femme, femme, femme, fais-nous langoureux, du spécial et du larme aux yeux. Femme, femme, femme, fais-nous une euro, du prospère, you plein, you plein, you plein, you plein, you plein, you plein. Boum! Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Vous venez d'écouter Femme, Femme, Femme de l'orchestre Frisson, reprise du coup de Serge Lama. Et nous sommes toujours en compagnie de Jimmy, depuis bientôt une heure, de l'orchestre Frisson, qui est venu nous parler de cet orchestre et de son histoire. Ça va toujours? Super. Super. Du coup, nous arrivons donc d'ici quelques minutes à la fin de cette émission. Donc, si nous voulons proposer un projet de manifestation ou quoi, quand ça pourra reprendre, bien sûr, oui, à l'orchestre Frisson, comment pouvons-nous nous y prendre? Il suffit de nous appeler, de programmer la date. Et puis, ma foi, s'il y a encore l'histoire du Covid, tout, c'est sûr, comme toutes les dates, ça sera annulé, quoi. Mais il n'y a pas de problème. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, non, on fait rien, vu la crise, machin, mais il faut pas avoir peur. Il y en a encore plein qui m'ont appelé cette semaine, quand c'est pour jouer en plein air, tout, sous condition, voilà, qu'on puisse le faire. On signe le contrat d'engagement et on est engagé, mais si c'est annulé, il n'y a pas de problème, quoi. C'est annulé, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Oui. D'accord, ok. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs aimeraient se lancer dans la musique, oui, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Jamais. D'accord. S'ils se lancent dans la musique, ils vont nous piquer les affaires. Non, je rigole. Non, leur conseil, il faut en vouloir, faut avoir du courage. Se lancer dans la musique, avant de tourner, si les personnes débutent, il y a encore du boulot, je pense. Bien sûr. Il peut pas apprendre à jouer. Enfin, j'ai de la batterie parce que je suis batteur, ou de la guitare, et puis demain être sur scène, quoi. Donc, ceux qui veulent monter un orchestre, la vie est dure quand même. C'est dur. Faut de la persévérance. Ouais, c'est dur. Donc, malgré la situation sanitaire actuelle, quels sont les projets à venir s'il y en a? Les projets, c'est de pouvoir tourner. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Là, on ne sait pas, on peut rien faire. Là, c'est mort, c'est voilà. Vrai. Donc, une fois, Madame Bachelot, faites quelque chose. Eh oui, il faut. La culture, c'est important. C'est important. Bon, la culture, en ce moment, ils en parlent, mais ils parlent des musées, ils parlent. Bon, c'est vrai que les stars, comme M. Pokora, ils embauchent quand même, chaque concert, 140 personnes, quoi. Oui. Même lui, en parlait, il disait, faites quelque chose, Et nous, on est quand même des musiciens de bal, quoi. Bon, les musiciens de bal, on n'en parle pas beaucoup. On parle des stars, on parle de pas mal de trucs, mais les musicos de bal, on n'en parle pas. Et on est aussi fort qu'un musicien qui tourne avec, une star ou... Voilà. Donc, il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à toi, à titre personnel, ou même à Frisson en général? J'ai pas compris la question, excuse. Pardon, je vais peut-être parler un petit peu trop vite. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça reparte. Eh oui. Que ça reparte, Et puis qu'on revoie notre clientèle, qu'on voit nos clients, nos danseurs, nos danseuses. D'ailleurs, on leur fait un gros bisou. Et puis qu'on les revoie le plus tôt. Moi, je reçois des mails, quand est-ce qu'on va se revoir? On peut pas savoir, on sait pas. À moins qu'on fasse des fêtes clandestines, mais bon, c'est pas le but. Mais non, on sait pas. Il faut que ça reparte assez vite, quoi. Et même si ça repartait d'ici 2-3 mois, bon, le travail sera dur parce que, comme je le disais, les gens ont peur de se lancer, de programmer des manifestations, voilà. Donc, c'est très dur. On sait pas. D'accord. Donc voilà, il est 14h57. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, auditrices, à tout le monde ? Eh bien, écoutez, n'ayez pas peur, les organisateurs, les associations, foot, toutes les assos qui organisent des manifestations d'ensemble, nous contacter. Il y a toujours moyen de discuter, de voir l'orchestre, j'allais dire, pas en ce moment, mais on va aller sur notre site, même sur Internet, on peut trouver des vidéos de notre orchestre sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Je pense qu'il y a pas mal d'assos dans le coin. Bon, moi, j'ai toujours l'habitude chez moi de faire travailler des entrepreneurs ou régionaux. N'hésitez pas de prendre des orchestres régionaux aussi, que de prendre des orchestres qui viennent je sais pas d'où et puis qui sont peut-être plus chers que nous. Mais bon, il faut pas regarder le prix, il faut regarder la qualité. D'accord. Voilà, merci. Voilà, le message est passé. Merci. Du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Jimmy de l'Orchestre de Variété Française et Internationale Frisson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle nous parlerons encore de musique, car je recevrai Brigitte Tissot, qui viendra nous parler du concours international de piano d'Épinal. Merci encore à Jimmy d'avoir accepté notre invitation. Et en attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60, d'ici quelques minutes à 15h. Émission consacrée au groupe de rock des années 60, Les Lionceaux. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Salut et à demain.